Chapitre 4e. Dans une indigente et pauvre chaumière du village de Beaujeu, on veillait aussi ce soir-là. Une flamme salutaire ne brillait pas dans l'âtre de la masure. Les bougies n'étincelaient pas dans des chandeliers d'argent pour combattre les ténèbres. Le cuir de Hongrie et les glaces de Venise ne tapissaient pas les murailles lézardées de cette chartreuse du laboureur. Quelques briques de tourbe fumaient tristement sur les cendres noires et froides du foyer. Un sordide lumignon, alimenté par de la graisse infecte, donnait à regret une clarté douteuse, et sur les murs humides de la chambre, dont un sol salpêtré était le seul plancher, on ne voyait qu'un Christ en bois et un soc de charrue. Car voilà les trophées des infortunés, un dieu pauvre comme eux, expirant sur une croix, un morceau de fer pour déchirer le sein d'une terre que leur sueur fertilise. Une gothique couchette à couverture et à courtine de serge verte, comme on en voit encore de nos jours dans les provinces reculées de la France, une huche dont le couvercle sculpté dénotait la fin du XIIIe siècle, époque où les imagiers en bois parcouraient les campagnes et semaient des chefs-d'œuvre dans les églises, dans les châteaux et jusque dans les chaumières, une armoire digne de ce nom par ses proportions gigantesques et qui semblait être contemporaine de la huche, quelques escabeaux boiteux et une grande table dont les pieds vermoulus étaient soutenus par de grossiers étais de chêne, composait l'ameublement de cette chaumière. Sur cette table, placée entre le lit et la haute cheminée, ornée aussi à son faîte d'une bande de serge verte dentelée, était étalé un pain bis, des noix, des nèfles, un quartier de fromage et un pot de grès à couvercle d'étain dans lequel fermentait une piquette rougeâtre, breuvage ordinaire de la famille. 6 personnes étaient rangées autour de cette table si frugalement servie. Une femme d'un âge mûr, 3 jeunes garçons, dont le plus fort pouvait avoir 15 ans, une jeune fille qui semblait en avoir 18, et un soldat qui portait l'uniforme du régiment d'Aunis. Les souliers poudreux du soldat, la négligente tenue de son habit, indiquaient plus encore que ses traits mornes et fatigués, qu'il venait de franchir rapidement de longues étapes, et que la coquetterie militaire avait cette fois disparu devant l'accomplissement d'un suprême devoir, devant un sentiment plus intime et non moins auguste que le sentiment guerrier. Le sac, le ceinturon et l'épée du soldat étaient jetés négligemment sur la table et paraissaient exciter la convoitise et la curiosité des 3 petits garçons qui s'aventuraient de temps à autre à soulever le sac, à caresser la dragonne et à tirer doucement l'épée à moitié hors du fourreau. Car les armes ont un attrait invincible pour les enfants de notre pays, et si, à Dieu ne plaise, les fils de la France étaient confondus avec ceux des autres peuples, on n'aurait pour les reconnaître qu'à employer le stratagème d'Ulysse à la cour de Lycomède. « Mon cher fils, dit la mère de famille au soldat en attachant sur lui des yeux pleins de larmes, voilà la première heure de consolation que Dieu m'envoie depuis la mort de ton pauvre père. Pourquoi ne peux-tu pas rester toujours avec nous ?»« Impossible, mère, répondit le soldat. Arrivé ce soir, il faut que je reparte après-demain matin au lever du soleil. Ma permission est de 15 jours, mais le voyage absorbe la permission. Il faut 8 grands jours de marche pour atteindre ma garnison. En venant ici, j'ai souvent doublé bien des étapes, mais pour m'en retourner, je n'aurai pas le même courage. « Cher enfant, fit la mère, et que trouves-tu ici pour te refaire de tes fatigues, du pain noir, des fruits pour te nourrir et de la paille pour te coucher ?»« Vous ne comptez pas, mère, interrompit le soldat. Le bonheur, après 3 années d'absence, de vous serrer contre mon cœur, le plaisir d'embrasser mes petits frères et... la satisfaction, ajouta-t-il en retroussant sa moustache par forme de maintien, de revoir aussi mademoiselle Babette, dont je craignais par-dessus tout d'avoir été oubliée. La jeune fille rougit et baissa les yeux. « Mon cher André, reprit la mère, Babette n'oublie ses amis ni de près ni de loin. Lorsque ton pauvre père tomba malade pour ne plus se relever, il y a 6 semaines de cela, Babette a couru ici. « Ma bonne madame Mathurine, me dit-elle, je ne viens pas vous offrir de l'argent, car vous savez que je ne suis qu'une malheureuse orpheline, qui n'a pour toute fortune que sa quenouille et ses fuseaux. Mais j'ai du courage et de bons bras, et je viens les mettre à votre disposition pour soigner Mathurin. » J'acceptais son offre généreuse, et depuis ce temps-là, Babette ne m'a point quitté. Elle a souffert, elle a pleuré, elle a prié avec moi, et ton père l'a bénie. André, je la regarde aujourd'hui comme ma fille. « Mademoiselle Babette, fit le soldat en mettant la main à son chapeau, « je vous remercie de ce que vous avez fait pour mes parents. Si Dieu le permet, Je reconnaîtrai cela plus tard. En attendant, mademoiselle Babette, je profite de l'occasion pour vous dire devant ma mère que je vous ai aimé, que je vous aime toujours, et que je n'aurai jamais d'autre femme que vous, à moins que quelque boulet, d'ici à 5 ans, ne m'envoie à patresse. Oh, monsieur André, ne parlez pas de cela, dit la jeune fille en essuyant ses yeux humides du coin de son tablier. Babette a raison, mon enfant, ajouta Mathurine. Ne pensons pas à de nouveaux malheurs. Le bon Dieu châtie souvent les bonnes gens, mais sa miséricorde est plus forte que sa colère. Il ne voudra pas, après m'avoir enlevé mon mari, me priver d'un fils qui fait tout mon espoir et ma consolation. Je le souhaite, mère, et pour vous et pour moi, mais à ce que je vois, continua le soldat, en parcourant du regard la profondeur de la chaumière, vous n'êtes pas plus riche qu'autrefois. André, quand tu tombas à la milice, ton père et moi nous sentîmes la perte que nous allions faire. Toi, l'aîné de la famille, toi, le compagnon assidu de ses travaux, toi parti, nous devions forcément devenir plus besogneux qu'auparavant. Ton départ fut donc notre malheur. La secousse ne s'est pas fait attendre. Ton pauvre père, qui depuis 3 années traînait une vie languissante, a fini par succomber à la douleur de t'avoir perdu plus encore qu'au travail opiniâtre auquel il s'était condamné pour nourrir les enfants qui lui restaient. Ici, la bonne Mathurine ne put retenir ses pleurs. Pourtant, elle reprit « Oh, mon fils, si tu avais entendu ton père me dire là, » il désigna le lit, « une heure avant de mourir. Femme, console-toi, tu vas me perdre, mais André va revenir, et il aura soin de toi et de ses frères. » Et comme je hochais la tête en manière de doute, le cher homme reprenait « Notre fils reviendra, te dis-je. Je te l'affirme, et les mourants voient clair dans l'avenir. On te le rendra, car le roi ne saurait vouloir, pour conserver un soldat, se priver de 3 laboureurs. Quand tu reverras André, femme, souviens-toi bien de lui dire que son père a pensé à lui jusqu'à son dernier soupir, et qu'il l'a béni, éloigné, ni plus ni moins que s'il se trouvait à genoux au chevet de son lit avec ses autres frères. Entends-tu bien, femme? Embrasse-le et bénis-le pour moi. » Mathurine sanglotait en rapportant ces paroles. Babette pleurait aussi à chaudes larmes, et le soldat, atteint au cœur par les adieux paternels, oubliait le décorum de l'uniforme et laissait couler sur ses moustaches brunes de grosses et lourdes larmes. Il se fit un silence de quelques minutes. « Et dire, » reprit Mathurine d'un accent qui jaillissait des entrailles d'une mère, « et dire qu'il faut que tu quittes une seconde fois le toit paternel pour ne plus y revenir, peut-être. Oh, mon enfant, mon cher enfant, n'abandonne pas ta mère, n'abandonne pas tes frères qui te réclament et qui te demandent le morceau de pain que leur père ne peut plus leur donner. » Le soldat du régiment de Nice était profondément ému, mais l'honneur militaire et le souvenir du drapeau le rappelèrent au sentiment des devoirs imprescriptibles de son état. Il essuya du revers de sa main les larmes qui perlaient sa moustache et dit « Mère, je porte la cocarde, et le roi m'a confié une épée et un fusil pour la défense de la patrie. Je ne quitterai cette glorieuse cocarde, je ne déposerai cette épée et ce fusil que lorsque j'aurai payé la dette que j'ai contractée envers la France. Mes 8 ans de service expirés, croyez-le bien, mère, mon plus grand, mon seul bonheur, sera de revenir auprès de vous pour travailler, vous respecter et vous chérir. » 5 ans encore, c'est bien long, dit la pauvre mère. Oh oui, répéta Babette en poussant un gros soupir. C'est vrai, fit André, c'est bien long, mais il faut les faire à moins que... À moins que, interrompit Mathurine. À moins que, reprit André, je ne trouve, mais c'est chose impossible, à moins que je ne trouve une somme pour me faire remplacer au régiment. Explique-toi, André, explique-toi, dit la mère en rapprochant son escabeau de celui du soldat. Aussitôt que j'eus reçu votre lettre, qui m'annonçait la mort de mon père et qui m'engageait à venir passer quelques jours auprès de vous, ma mère, je courus chez mon capitaine pour lui demander un congé de 3 semaines. André, me dit-il, tu es un bon soldat et je n'ai rien à te refuser. Tiens, voilà ta permission. Fais diligence, va embrasser ta famille et reviens au jour indiqué sur ta feuille. Ah, mon capitaine, lui dis-je, je vous remercie, mais je vous avoue que je désirerais ne point revenir. Comment ? Dit mon capitaine. Te dégoûterais-tu du noble métier des armes et deviendrais-tu un mauvais soldat ? Oh, pour cela non, mon capitaine. Et ce n'est pas moi qui déshonorerais l'uniforme du régiment de Nice, mais voyez-vous, mon capitaine, pour porter allègrement le mousquet et manger glorieusement le pain du roi, il faut avoir l'esprit en repos. Et là-dessus, j'ai sans vergogne raconté à mon officier et notre pauvreté et notre récent malheur. Mon capitaine est un homme brave et sensible. « André, me dit-il après s'être gratté le front, quoiqu'un aussi bon soldat que toi soit difficile à remplacer, tâche de trouver dans ton pays quelque chose comme 100 écus, et je m'arrangerai de manière à te faire obtenir ton congé. » « Vous pensez bien, ma mère, poursuivit le soldat, que je me suis parfaitement gardé de dire à mon capitaine que je n'avais aucune espérance de réaliser cette somme. Je me suis contenté de le remercier de son bon vouloir, et là-dessus je suis parti, et me voilà. » Ainsi, pour 100 écus, se hasarda à dire d'une voix douce et tremblante la jeune fille, nous serions tous heureux. Tous, répéta André, en enveloppant Babette d'un de ces regards qui peignent l'amour, la reconnaissance et le respect.